Chapitre 6e, la leçon d'escrime. L'insulte était flagrante, l'affaire était inarrangeable. On fixa le rendez-vous à 3 heures à l'île de la Grande Jatte, près de Neuilly. Armand avait l'intention bien arrêtée de se défendre, car à 8 heures, il était allé trouver Jacob, un maître d'armes, qui avait une spécialité précieuse dans laquelle il excellait. Il donnait la leçon de tenue sur le terrain aux novices, qui avaient la bêtise d'accepter un combat sans savoir tirer. À vrai dire, Armand n'était pas tout à fait étranger au maniement de l'épée. Souvent, dans les ateliers, il s'était escrimé, sans principe, il est vrai. Mais enfin, il s'était familiarisé avec le fer. De plus, il avait eu 3 duels. C'est quelque chose que d'avoir l'habitude du terrain. Jacob trouva dans son élève du poignet et du jarret, plus une taille qui constitue à elle seule un grand avantage. Enfin, Armand était d'une souplesse, d'un ressort, d'une agilité incroyable, et comme journaliste, écrivant beaucoup, il avait la main déliée. Jacob donna à son élève 2 premières leçons d'1 heure chacune. À la dernière, Armand lui dit « Mon cher maître, j'ai une idée. Laquelle ?» demanda Jacob. « Je voudrais, en exposant ma peau, trouver celle de mon adversaire. Je lui offrirai l'occasion de m'enfiler et je recevrai son coup, mais je lui en donnerai un. » Jacob connaissait Armand, toutes ses sympathies étaient pour lui. « Mon petit, un autre te détournerait d'exécuter ton idée. Moi, je te trouve du bon sens. Le baron de Jalisch ne peut être pincé que de cette façon-là. J'entre dans ton idée. » Il tutoyait tout le monde. « À la bonne heure, » dit Armand. « Vous ferez donc coup fourré, » reprit Jacob. « En suivant mes indications, en lui tenant toujours l'épée tendue et menaçante, il craindra de s'enfiler et attendra l'occasion de filer sous ton fer pour te toucher. C'est là qu'il faut lui offrir la tentation de partir à fond. Tu lui présenteras l'épaule et tu auras sa poitrine à découvert. Je vais te démontrer ça. » Cette nouvelle et suprême leçon dura 1 heure et demie. Jacob se déclara satisfait. « Mon petit, si l'épée du baron rencontre une artère, tu meurs. Si, glissant sur l'épaule, elle pénètre dans la poitrine, entre 2 côtes, tu meurs encore. Mais en te fendant bien à fond, tu as la consolation de tuer ton homme. J'estime à 20% les chances que tu as de ne pas être tué. Bon courage !» Armand se jeta dans une voiture et dit au cocher « Je suis fatigué. Promenez-moi où vous voudrez pendant 2 heures. Je vais dormir et me reposer pendant tout ce temps-là. Puis vous me mènerez chez le docteur Fabel, à Neuilly. » Il donna l'adresse, le cocher remplit ses instructions en conscience. À 2 heures, Armand arrivait à la porte du docteur.